Le porte-parole du comité central de la Société de la Croix-Rouge de Corée a publié le 2 juin un entretien qui dit « En Corée du Sud se livre une campagne habituelle et frénétique contre notre République en prétendant que 3 personnes de notre restaurant à l'étranger ont déserté le Nord et que c'est un soi-disant effet de la sanction. Cette affaire aussi est préméditée par les agents du centre de renseignement sud-coréen comme le cas de l'enlèvement de nos 12 citoyennes en avril dernier à Ningbo, province de Zhejiang de Chine. Nous avons des informations suffisantes qui montrent avec quelle lâcheté et quelle ruserie les agents du centre de renseignement ont cherché depuis longtemps à kidnapper 2 personnes de notre restaurant Sunbong de Pyongyang dans la ville de Weinan, Chine, en cachant leur identité dans le contact avec elles. Les agents sud-coréens ont élaboré concrètement le plan d'opération de l'enlèvement. Ils les ont emmenés à un marché où une voiture qui attendait les ont emportés. Plusieurs voitures les ont transportés tour à tour pour leur passage sans passeport d'une frontière chinoise. Via le Laos et la Thaïlande, ils les ont emmenés de force à Séoul. Cet enlèvement organisé et réalisé selon l'ordre de la Maison Bleue est une nouvelle provocation politique impardonnable contre notre République, un nouveau crime contre l'humanité. Il est révélé que les fantoches sud-coréens cherchent à enlever nos habitants à l'étranger pour ternir l'image de notre République plus prestigieuse au fil des jours, porter atteinte à notre unité monolithique et justifier la sanction et la pression des forces hostiles. Notre armée et notre peuple ne pardonneront jamais le crime réitéré des fantoches sud-coréens et feront payer très cher à tout prix. Les autorités sud-coréennes doivent nous présenter des excuses pour l'affaire, punir les criminels, renoncer immédiatement à l'enlèvement de nos habitants et renvoyer tout de suite l'ensemble des enlevés.